J'écoute une histoire. Plus organisé que les abeilles, ça n'existe pas. Unité 3, semaine 5. Vous savez comment le miel arrive chez nous sur nos tables, sur nos tartines? C'est grâce à ces abeilles. Chez elles, il y a des groupes. Et chaque groupe a sa tâche. Plus organisé que les abeilles, ça n'existe pas. Il y a des butineuses qui vont chercher le nectar des fleurs, qui devient miel. Il y a des sculpteuses qui bâtissent les rayons de la ruche, qui forment et sécrètent la cire avec laquelle on fabrique des bougies pour s'éclairer ou pour fêter nos anniversaires. Je crois que vous avez compris la leçon. Vous avez toujours l'intention de les brûler? Non, jamais. À partir d'aujourd'hui, nous prenons soin de leurs ruches. Nous les protégeons. Et nous prendrons exemple sur les abeilles travailleuses qui vivent en société tout en s'entraidant.